Beauty is the mystery of life. It's not in the eye, it's in the mind. And it's because of awareness of perfection in the mind. As a matter of fact, I think that we see perfection and then we see beauty. You know, that they're different. Like I look down a valley and I think, it's just perfect. Perfection is easier to see than beauty. You look at the sky and it's perfect, and then you look further and it's beautiful. You enter into it and all that. Beauty illustrates happiness. The wind in the grass, you know how happy the grass looks. And the shining waves following each other. And the blue sky is a different kind of happiness, and the dark night a different kind. And there are an infinite number of different kinds of happiness, all illustrated by beauty. Just when you look around, you just see it on all sides. I fell into the ocean, and you became my wife. Rested all against the sea to have a better life. Marie, you are the wild blue sky. Men do foolish things. You turn kings into beggars, beggars into kings. Pretend somehow. Maybe when our story's over, we'll go where it's always spring. The band is playing our song again. All the world is green. Pretend that you owe me nothing. Summer brings, it's a love you'd kill for, and all the world is green. He's balancing a diamond on a blade of grass. The doom will settle on our graves, and all the world is green. Thank you. dancing a diamond on a blade of grass. The dew will settle on our graves when all the world is green. Corsica, modulez votre fréquence. Corsica, plastique radiophonique. El mensaje para hoy dice: la energía actual puede presentar corte. Je recherche mensaje para hoy dice: la energía actual puede presentarte sentimientos y experiencias desafiantes. Lo que piensas y sientes en este momento puede no ser necesariamente la verdad completa. Hay un panorama mucho más amplio por ver. Da un paso atrás y observa con perspicacia y mente abierta. Te sorprenderás. Ahora imaginemos que no es frío lo que cae y hagamos ángeles de arena. Attention, attention, transmission. Poétique radiophonique. Están hablando con la tierra y es la estrella, quien penetra el misterio sujeto a todas las tormentas, el intento, nuestra ciudad de ahora mismo, contra el oleaje de la piedra. El signo de las cosas es gastarse. Thank you. Voilà ces vents contraires qui se donnent des airs de typhon, qui veulent me faire quitter navire et revenir à la maison. Ces vents qui voilent le soleil, ces vents qui ne font que gémir, qui soufflent le froid et l'orage, qui soufflent au cœur la peur du pire et la hantise du naufrage. Je leur ai trop prêté l'oreille. Tiens le cap pour de bon, les yeux rivés à l'horizon. J'essuie tant bien que mal quelques lames de fond. Je fais escale à l'occasion. Mille fois je me suis juré de rester sourd au vent contraire, d'oser ne pas me dérober, d'assumer mon itinéraire, d'aller plus loin que l'estuaire. Mille fois j'ai lâché l'affaire, abandonnant là mon voilier, honteux de revenir à la terre, soulagé d'être encore entier, soulagé d'être encore hier. Je tiens le cap pour de bon, les yeux rivés à l'horizon. J'essuie tant bien que mal quelques larmes de fond. Je fais escale à l'occasion. Je tiens le cap. Les revoilà ces vents contraires qui viennent hurler dans mes hublots. Au gouvernail, le regard fier, je saurai les prendre de haut. Ils se lasseront bien assez tôt, ne seront bientôt plus qu'un écho. Je tiens le cap pour de bon, les yeux rivés à l'horizon. Je suis tant bien que mal, quelques lames de fond, je fais escale à l'occasion. Je tiens le cap pour de bon, les yeux rivés à l'horizon. Je suis tant bien que mal, quelques lames de fond, je fais escale